Chapitre 8e, 25 juin. Mon Dieu, comment se peut-il faire qu'une jeune fille si charmante, si gaie, si vivante, si vraiment femme à de certains moments, puisse se métamorphoser à d'autres en une sorte de petit notaire qui résonne avec toute la sèche, froide et désenchantante sagesse d'un vieux tabellion? Y aurait-il deux âmes en elle comme deux regards, l'une qui est toute grâce, vivacité, espièglerie, gentille coquetterie et loyauté, l'autre intéressée, soupçonneuse, calculatrice, incapable d'enthousiasme et de poésie? Pourquoi pas? N'y avait-il pas de même deux hommes en moi? Suis-je aujourd'hui semblable à ce que j'étais naguère? Je me suis dit souvent que chacun de nos innombrables ancêtres devait avoir déposé dans notre sang une parcelle d'hérédité morale, quelque chose de ce qu'il avait été lui-même. De ses germes, les uns meurent, n'ayant pas rencontré les conditions propres à leur développement, ou plutôt ils restent comme s'ils étaient morts, ensevelis dans les profondeurs les plus secrètes de notre être, ignorés de tous, ignorés de nous-mêmes, jusqu'au jour où une circonstance inattendue les appelant brusquement à la vie révèle soudain dans notre personnalité, que l'on croyait simple, des dessous effrayants, de véritables abîmes de complexité. Les autres, au contraire, croisent, prospèrent et nous font ce que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'a été, 20 siècles peut-être auparavant, l'aïeul inconnu qui prépondère et qui revit en nous. Jamais je ne pardonnerai aux parents de Claire de n'avoir pas créé autour d'elle l'atmosphère de sentiments et d'idées qui eût favorisé l'éclosion de ce qu'elle avait apporté de bon en naissant. Car je sens qu'elle n'est point foncièrement mauvaise, que les instincts acquis n'ont pas encore tout à fait étouffé sa vraie nature, qu'elle pourrait redevenir simple, douce, confiante et généreuse, comme j'ai cessé d'être moi le désenchanté que j'étais. 2 heures sonnent. C'est vers 3 heures qu'elle arrive à l'ermitage. Quel aspect de son être moral va-t-elle me montrer aujourd'hui? Sera-ce celui que j'aime ou bien celui qui m'épouvante? 5 heures. Hélas, c'était le jour du petit notaire. Voilà les propos qu'elle m'a tenus tout à l'heure. À nous deux, nous disposons de deux forces sociales qui se complètent l'une l'autre et qui, réunies, peuvent beaucoup. La fortune et le nom. Ce n'est pas que des gens fort titrés ne m'aient déjà recherché, seulement le blason qu'ils m'offraient m'eût coûté trop cher à redorer. Et ce n'est point cela, vous pouvez m'en croire, que je destine l'argent, le bon argent de monsieur le couturier, mon papa. Vous n'êtes pas riche, vous, c'est vrai. Château frayé, qui vous reviendra un jour, vaut 180 à 200 000 francs et j'estime qu'il y aurait 40 000 francs à y dépenser pour en faire quelque chose de bien. Votre mère a 27 000 francs de rente, dont elle vous assure 12 en vous mariant. Évidemment, ce n'est pas le Pérou. Pourtant, cela vaut mieux que rien. Puis, vous n'avez pas de goût cher, vous êtes ce que j'appelle un mari économique. Avec vous, je ne serai pas inquiète pour ma fortune. Avec d'autres, en dépit de toutes les précautions que j'aurais prises, qui sait? Enfin, vous montez supérieurement à cheval. Vous êtes brun, comme un homme doit l'être. Vous ne savez pas causer, mais vous parlez fort bien. Il paraît que vous ne manquez pas de talent. Vous faites mal à vos nœuds de cravate, mais vous avez un joli pied. Quelques petites retouches par-ci par-là, et je ne suis pas éloigné de croire que cela pourrait aller. Seulement, si vous voulez que je le croie tout à fait, renoncez aux enfantillages. N'ayez pas tant d'imagination ni de sensibilité. Montrez-moi que vous n'êtes pas incapable de regarder le côté sérieux des choses de la vie. Parlez-moi non de vos sentiments que je connais, de votre passion, de vos espérances, de vos anxiétés et autres ritournelles de romance, mais de vos travaux, de vos projets d'avenir, de vos affaires, des miennes. Et quand vous m'aurez prouvé que je puis décidément faire quelque chose de vous, eh bien, alors je ne vois pas pourquoi j'hésiterai plus longtemps à dire oui. Pendant qu'elle me disait ces choses, nous marchions sur la mousse, dans le sentier plein d'ombre. Des fleurs sauvages embaumaient l'air. 1000 chansons d'oiseaux s'entrecroisaient dans le silence des bois. Des morceaux de ciel bleu apparaissaient à travers les branches. Je ne sais quoi de joyeux, répandu avec la lumière, remplissait l'espace et donnait à la nature entière un air d'allégresse et d'hymen. Ah, la belle journée que c'eût été pour aimer. 26 juin. Je me rappelle une tirade que l'ami Caraboc nous a faite un jour au Voltaire. Nous venions d'apprendre que l'un de nos camarades se mariait. Caraboc a crié. Un grognement pour le mariage. Nous avons grogné avec ensemble. Il a repris. Un grognement pour la femme. Nous avons grogné de réchef. les autres sans conviction, lui avec fureur. Comme il paraissait disposé, contre son ordinaire, à parler, étant un peu gris ce jour-là, nous l'avons sommé de nous faire sa profession de foi. Il s'est levé, et je l'entends encore nous dire « Vous voulez savoir pourquoi j'ai horreur de la femme ? Parce que c'est un être inepte et malfaisant. On parle des actes de courage qu'elle fait accomplir. Que ne parle-t-on aussi des lâchetés qu'elle fait commettre ? On nomme les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Qui fera le compte de ceux qu'elle a empêchés de naître ? Armée de la beauté, comme la mort de sa faux dans les vieilles images, la femme passe à travers le monde, coupe, taille, abat. Que de talent, que d'énergie, que de jeunes héroïsmes et de jeunes gloires tranchées par elle. Les poètes, qui sont des menteurs, disent que l'amour féconde. Non, l'amour stérilise. L'homme qui aime est moins libre et moins fort. Quand une femme entre en nous, la fierté, la volonté, qui sont notre honneur, en sortent. N'aimez pas, mes enfants, et surtout ne vous mariez jamais. Travaillez, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Ayez de l'ambition ou des manies, ça occupe. Faites de la métaphysique comme moi, c'est encore excellent. Ou bien, promenez-vous par le monde et regardez en spectateur curieux les 1000 comédies et les 1000 drames qui s'y jouent. Ouvrez les yeux et les oreilles, vous verrez comme c'est amusant. Cela vous fera rire, à pleurer quelquefois. Mangez bien, dormez bien, culottez des pipes, évitez les rhumes de cerveau, buvez frais l'été, c'est exquis. Mais pas de femme, hein ? Nous avons ri de cette boutade. Maintenant qu'elle me revient à l'esprit, je me demande s'il ne contenait pas une part de vérité. Hélas, je le sens bien, Cabaroc avait raison, l'amour en lâche. S'il me restait quelque courage, je renoncerais à cette jeune fille. Je ne souffrirais pas plus longtemps qu'elle se fasse un jeu de froisser les sentiments qui me sont les plus chers. Je lui dirai que je ne suis pas l'avoué qu'il lui faut pour mari, je m'en irai. Et je compte les heures qui me séparent du moment où je la verrai demain.